Kagira. Erika Dogassio, la mise en onde, merci de garder l'écoute de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 24 février 2020. D'abord les grands titres. Insécurité dans les localités de Nyabiraba, en province de Bujumbura, où 12 personnes ont été tuées, tandis qu'une personne a été tuée à Matana, en province de Bururi. Tout à l'heure, vous aurez les détails. Et le parti CNL dénonce ce qu'il appelle l'arrestation en cascade de ses militants. Dans ce journal, vous aurez la réaction du porte-parole de ce parti qui note le départ en cavale de ses militants suite à cette situation. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on revient sur le tennis de table. Voilà pour l'essentiel de ce journal qui est réalisé par Francine Ndihokubwa et Léon Sévité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Un mort et un blessé, tel est le bilan d'une embuscade armée tendue sur la colline Mahango en commune Matana de la province de Bururi aux environs de 19h de ce dimanche par des inconnus. Selon l'administrateur communal de Matana, des informations obtenues de certains habitants de cette colline confirmées par l'administration communale indiquent que ces personnes attaquées au fusil et à la grenade étaient un deuxième groupe après un premier qui venait de cambrioler. 11 personnes sont dans les mains de la police pour enquête, selon l'administrateur communal de Matana. Un autre homme de la colline Bihanga de cette même commune avait été grièvement blessé à la grenade quand il est rentré chez lui il y a de cela un mois. Étant qu'on est en commune Matana, un certain Nico Bamye de la colline Luzira a été retrouvé mort ce lundi matin dans un caniveau. Son vélo et un sac qui étaient dessus étaient à côté du cadavre. La police a déjà commencé les enquêtes sur la mort de cet homme, selon l'administrateur communal de Matana. Et je vous le disais donc en titre, 12 morts sur 14 hommes armés, un policier tué, un autre blessé et un habitant blessé, tel est le bilan de l'insécurité de ce dimanche dans les localités de la commune Nyabiraba. Nous sommes en province de Bujumbura. Information donnée et confirmée par Ferdinand Simbananiye, administrateur de cette commune, qui précise que le calme est revenu. Il ajoute que ce groupe n'a pas encore été identifié. Cet administratif et souligne également que 6 fusils ont été saisis. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Mireille Kanyang. Il y a eu un peu de sécurité dans notre commune, c'est-à-dire vers 13h, on nous a signalé un groupe de personnes qui se trouvent dans un jardin de café sur la colline Raro. Après un instant, on nous a informé que ce groupe vient de se lever, prendre le sommet de la colline, sous la colline frontalière de la colline Raro. Et ce groupe a dédié la colline Finama de notre commune. Suivi par la population, les forces de l'ordre ont été informées de ce cas. Alors, il y a eu l'intervention de la police et la police a changé de tir, des coups de tir avec ce groupe. C'était un groupe de 14 personnes. 12 dans ce groupe ont été tués et 2 autres capturés. On a aussi saisi 6 armes, dont 6 cachetons et un pistolet. Maintenant, la situation est normale sur toutes les collines de notre commune. C'était l'administrateur de la commune Nyabiraba. C'était l'administrateur de la commune Nyabiraba. Et en page politique, le parti CNL s'insurge en faux contre des arrestations contre ses militants. Terence Manirambona, porte-parole de ce parti, se dit préoccupé par la mort de ses membres dans un cachot communal de Mubimbi. Terence Manirambona souligne que certains de ses membres sont en cavale suite à cette situation suivie. Et nous sommes au courant d'une vague d'arrestation des responsables locaux du parti CNL. Nous sommes au courant aussi d'arrestation des militants du parti CNL. Et pour le cas présent, la province de Bujumbura bat le record. Parce que jusqu'à aujourd'hui, plus de 15 personnes responsables du parti ont été arrêtées dans la commune d'Isale. 7 personnes ont été arrêtées dans la commune de Mubimbi. D'autres ont déjà pris le large, sont en fuite, d'autres sont en cavale, de peur d'être arrêtés. Et nous observons qu'il y a une chasse à l'homme qui vise nos responsables, surtout à cette période où nous approchons des élections de mai 2020. Si nous déplorons un militant qui est mort, un certain Félix Ndikouliyo qui avait été arrêté le 20 et le lendemain, on a trouvé qu'il est mort dans la cachot communale. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les circonstances de sa mort. Même l'administration a refusé que les membres de sa famille, sa femme et ses enfants participent à son inhumation. Le porte-parole de ce parti tranquillise les militants du CNL, mais estime que ces arrestations ont démobilisé la politique. Encore une fois, suivez Terence Manirambour. L'appel que nous lançons à nos militants et à nos responsables, c'est de rester calme et serein, parce que les mobiles de l'arrestation sont des mobiles politiques. On veut nous empêcher de participer dans les élections, mais nous sommes déterminés à battre campagne, à entrer dans la course électorale. Nous leur alors demandons de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique, mais plutôt de se préparer aux élections, mais aussi à chaque situation qui se présente dans leur localité, de s'adresser à l'administration, de s'adresser à la police, s'adresser aussi à la justice, pour que demain, on ne parle pas que le parti CNL n'a pas porté sa voix aux instances habilitées, pour que des solutions puissent être trouvées avant que la situation ne prenne cette allure inquiétante. Sur ce, la rédaction de la radio Isanganiro a contacté le porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Et la formation Messager Ngozi s'est imposée un but à zéro face à l'Hélier lors de la 22e journée du championnat national Primus League. Cette victoire a permis à Messager Ngozi de rester dans la première place du classement provisoire avec 43 points. Le match qui était beaucoup attendu par les amateurs de football est celui qui a opposé Aigle Noir et Interstar, qui s'est soldé sur un score paritaire d'un but partout. L'équipe Ngozi City, qui occupe la dernière place avec 14 points devant ses supporters, s'est inclinée 2-1 face à Bujumbura City. Place maintenant à la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Les compétitions de tennis de table au Burundi sont d'abord organisées au sein des associations provinciales où ceux qui sont classés premières s'affrontent dans le championnat national. Cela est dit par le président de la Fédération burundaise de tennis de table, Ali Wakumbanya, fait savoir que les meilleurs joueurs du championnat national représentent le Burundi dans les compétitions internationales. Les détails dans cette chronique sportive est signée Marie-Claire Kazeneta. Au Burundi, les compétitions de tennis de table s'organisent avant tout au sein des associations provinciales et ceux occupant les premières places s'affrontent dans le championnat national de tennis de table. C'est l'explication d'Ali Bukumbanya, président de la Fédération burundaise de tennis de table. Ici au Burundi, nous organisons les compétitions généralement une fois par an. D'ailleurs, même le Sénat, qui est notre titulaire, demande à ce que toute association, qu'elle soit de tennis de table ou d'autre, il faut au moins minimum organiser un championnat ou un tournoi une fois l'an. Chez nous, pour notre cas qui nous concerne, de tennis de table, nous organisons un championnat une fois l'an et au mois de décembre. Autrefois, on avait choisi les mois d'août, septembre, et au moment où les élèves et étudiants sont en vacances, notre jeu est directement généralement fréquenté par les étudiants. On avait choisi le temps où les élèves sont en vacances. Pendant le tournoi que nous organisons, dans ces derniers temps, on amenait tout le monde dans ces lieux, donc c'est-à-dire Bujumbura, ou quelquefois à l'intérieur, parce que les associations provinciales peuvent postuler pour qu'ils organisent ces championnats. En effet, les meilleurs joueurs de ce championnat national représentent le Burundi dans les compétitions internationales, dit ce président de la Fédération burundaise de tennis de table. Alors, pour les gagnants, généralement, il y a les cadets, les sous-cadets, les cadets, les juniors, les seniors et les vétérans. Ceux qui nous sont arrivés en finale, qui sont donc les premiers, quelquefois, ils nous représentent dans des compétitions en dehors du Burundi, que ce soit africaine, régionale ou internationale. Selon Ali Bukumbanya, le manque des matériaux appropriés au tennis de table et les terrains modernes sont certains défis auxquels font face les joueurs burundais de tennis de table. Nous avons un problème de matériel de jeu. Le matériel adéquat, c'est les tables, les filets, les raquettes, les balles. Mais les joueurs arrivent à se débrouiller, tant bien que mal, en utilisant des raquettes quelquefois usées. Les balles que nous utilisons non plus ne sont pas bien conçues. Alors, quelquefois, nous arrivons même à nous faire approvisionner, quelquefois, vers l'extérieur, pour avoir des balles destinées à la compétition. Un autre défi que nous avons, c'est le manque de terrain de jeu. Parce que pour avoir un terrain, il faut l'avoir construit ou bien l'avoir loué. Malgré cela, ce président de la Fédération burundaise de tennis de table affirme que la Fédération internationale de tennis de table, en collaboration avec la Chine, ont récemment octroyé des équipements sportifs, tout en précisant qu'ils sont en train de les distribuer dans les différentes écoles. Merci Marie-Claire Kazeneza. Revenons en page politique. La Commission électorale nationale indépendante annonce qu'elle ne va pas changer de délai de dépôt des candidatures. Dans un point de presse, Pierre Claver-Cadrisse signale également que le dossier devra être déposé par les représentants légaux des partis politiques, les coalitions ou les indépendants, ou tout simplement devront contenir les signatures de ces derniers. Ces délais qui débutent ce mardi 25 février pour les présidentielles et les parlementaires et les conseillers communaux concernent également ceux qui réclament les délais supplémentaires afin qu'ils collectent d'abord les frais de caution au Banyankuru. Les délais de dépôt des candidatures ne vont pas changer. Pour les candidats aux élections présidentielles et des conseillers communaux, les délais commencent ce 25 février pour se terminer le 5 mars, tandis que pour les élections législatives, ces délais commencent à la même date pour prendre fin le 10 mars. Pour les sénatoriales, ces délais débutent le 25 mai et vont se clôturer le 10 juin. Certains candidats réclament la prolongation des délais de dépôt pour d'abord collecter les frais de caution. La CENI indique qu'elle ne peut pas se permettre de changer les délais qui figurent même dans le décret présidentiel de convocation des électeurs. C'est vrai, il y a des demandes des uns des autres, il y a des souhaits, mais je tiens à rappeler que la CENI ne peut pas changer les dispositions légales en vigueur, mais que la CENI est chargée de mettre en exécution ce qui est déjà dit dans la loi. Donc la CENI va se conformer à cette disposition réglementaire, n'est-ce pas, qui est sortie le 20 février 2020. Le président de la CENI demande aux candidats de signaler leur date de dépôt pour que la commission se prépare à la réception de leur dossier. Merci Obanta. Quand on parle d'élections, certains demandeurs ont extrait de casier judiciaire exigé par la Commission électorale nationale indépendante à la police judiciaire disent être satisfaits du service rendu, mais d'autres déplorent la lenteur observée dans l'octroi de ces documents. Ces derniers précisent qu'ils se présentent à ces bureaux depuis 3 jours, d'autant plus qu'il y a ceux qui viennent de l'intérieur du pays, déplorent-ils. Ils demandent à la police de faciliter davantage la tâche aux demandeurs de ces documents. Ornella Mucho. Arrivé à la police judiciaire, une chose remarquable, ce sont des files d'attente à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce lieu. Parmi ces gens, il y a ceux qui cherchent l'extrait des casiers judiciaires exigés par la CENI. Sur ce, certains disent être satisfaits du service rendu. D'autres, surtout qui proviennent de l'intérieur du pays, déplorent les lenteurs dues au nombre élevé des citoyens qui se rendent à ce service. Ils demandent à la police judiciaire de multiplier les centres afin de faciliter le travail. Et ce serait souhaitable qu'il y ait un autre centre ou deux centres pour l'accueil des demandeurs de ces papiers, soit à l'intérieur au centre Gitega et Ngozi, pour mieux desservir le centre de Bujumbura, parce qu'il y a un gonflement de beaucoup de personnes qui demandent le service. Que la CENI puisse comprendre que les documents ne sont pas vraiment faciles à trouver. Nous demandons aux travailleurs de la PJP de travailler, de conjuguer beaucoup d'efforts pour que la population puisse trouver facilement les documents. Suivant le calendrier sorti par la CENI, la date limite de dépôt des documents exigés est le 5 mars pour les conseillers communaux et le 10 mars pour les députés et les sénateurs. Page internationale, avant de boucler la boucle de cette édition, une série de frappes aériennes contre des positions du djihad islamique en Syrie. Dans la nuit de dimanche à lundi, revendiquée par l'armée israélienne, a fait 6 morts selon le site de la Radio France Internationale. Les frappes ont touché une zone près de l'aéroport international de Damas où se trouvaient des positions des gardiens de la révolution iranienne et du djihad islamique, a précisé un peu plus tard l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH en sigle. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Adogo qui l'a mise en nom d'Eli Nibel Nivigra GTA à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.